Ce matin, on a eu une classe dimanche on est en train de parler des responsabilités dans l'Église, puis comment Dieu attribue les dons, ces choses-là. Je serais juste curieux de savoir s'il y avait quelqu'un qui aurait envie de partager qu'est-ce que ça lui dit là, depuis un certain temps, surtout ce qu'on a discuté ce matin. Qu'est-ce que ça change dans vos vies de savoir, de comprendre ce que Dieu enseigne dans sa parole pour son corps, l'Église? C'est nous, ça. Qu'est-ce que ça change de le discuter ensemble? Oui, Rémi. Connaître de nouveau, parce que quand on est avec Christ, qui est en Christ, c'est une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées. Bien, comme on a chanté tantôt, je n'ai rien à craindre car il vit. Ça a rassuré mon corps. OK. De tout gêné. On est en famille. Ailleurs, les jeunes adultes, là, on avait deux personnes de l'extérieur. Une qui est une enfant de Dieu, puis l'autre qui se pose une question existentielle. Comment on fait le pont entre la logique puis la parole de Dieu? Intéressant? Bien, le point que je veux faire, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de parler. Là, nous, on est en famille. C'est quoi le problème? Anna, tu me regardes. Non, rien à dire. Personne qui n'a rien à partager sur... Ça ne change rien dans vos vies, on fait ça pour rien, moi, puis Gilles, là. Ah, Lise. Moi, je trouve que de plus en plus, on parle beaucoup de se réunir, d'être ensemble, de s'aider, de faire des choses ensemble. Fait que, puis cette semaine, j'avais rencontré d'autres églises, là. Puis je trouve que c'est bon de savoir qu'est-ce que les autres vivent aussi pour apprendre d'eux autres, mais aussi pour leur donner des conseils aussi. Fait que je trouve que c'est de plus en plus, là, je vois ça, là, que les gens se côtoient plus là, pour s'entraider. Mm-hmm. Bon, d'accord. Alors... Ça m'aurait servi un petit peu de base. Bien, merci, ça va m'aider quand même. Là. on est dans Exode, puis on est au chapitre 38, n'est-ce pas? Quand on a regardé ça, 36, c'est Samuel qui l'a fait. Il est où Samuel? Il est parti. C'est Samuel qui a fait 36, puis la semaine passée, 37, c'est Philippe. Quand on a regardé 36, il nous restait un peu de temps, fait que là, on a dit, on va regarder 37. Puis là, Philippe, il dit... Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut ajouter dans 37 ou 38, vu que 36, 37 et 38, ils répètent ce qu'on a dit au chapitre 25, 26, 27. Et pourtant, Samuel avait beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Puis Philippe, la semaine passée, aussi avait beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Fait que là, moi, je suis dans ma tête. Si eux ont quelque chose d'intéressant à dire, il me reste quoi? Alors, on va lire 38. Oh, c'est ça. C'est bon. Et là, donc, puis Christian a des attentes aussi, il faut savoir ça. Fait que, bon, juste avant, Seigneur, je te prie de faire en sorte que, malgré mes faiblesses, Seigneur, que ta parole puisse être exprimée clairement, puis que chacun puisse retenir ce que tu as préparé pour chacun. Donne-nous d'être à l'écoute, Seigneur, d'oublier ce qui se passe autour, puis d'être à l'écoute de ce que tu dis, malgré le messager que je suis. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, Exode 38 dans la meilleure version, c'est-à-dire la Louis II, 1910. Non, je sais qu'il y a d'autres versions que d'autres préfèrent, mais bon. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Là, je ne relis pas 36-37, hein? On est dans les matériaux, construction, on est en train de fabriquer les choses. donc, j'y vais. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Excusez-moi. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Excusez-moi. Non, c'est pas l'eau. On va y arriver.

Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 sicles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes montait à 70 talents et 2400 sicles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel d'airain avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Donc, on voit combien ça a pris de matériaux précieux pour faire ces choses-là. Et là, l'autre chapitre, 39, là, il va parler des vêtements. Là, il y a des pierres précieuses, là. Ben, ce n'est pas mon chapitre, donc je ne vous en parlerai pas. D'accord, ça va? Dans Exode 25, on a vu que c'est Dieu qui dicte comment s'approcher de lui. Ce n'est pas nous, c'est lui. D'après un modèle qu'il a donné, qui est parfait. Fait que nous, on a le modèle parfait. Eux, ils ont le modèle parfait que Moïse a vu dans les lieux célestes. Ils voient quelque chose, ils en font la représentation et on voit au chapitre, à la fin de 39 ou 40, où on va dire que c'est parfait. C'est exactement ça qu'il a vu. OK? Mais nous, on a un modèle parfait qui est Jésus-Christ, que des témoins ont vu, qui est venu, qui a montré la perfection, puis nous, on est appelés à marcher comme lui a marché. Okay? Fait qu'on peut transposer ce qu'on voit dans l'Ancien Testament à nous dans le Nouveau Testament. Okay? Dieu a tout pourvu, tout ce dont ils ont besoin et en abondance. On peut dire la même chose dans le corps de Christ. Dieu a donné tout ce qu'il faut dans le corps de Christ pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse ici, à Mont-Saint-Hilaire, puis dans toutes les églises, ce que Dieu veut qu'on fasse ici, dans la région. Il nous a tout donné. Comme David avait tout ramassé les matériaux pour Salomon, la même chose, Dieu a prévu tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Dieu appelle, et ça c'est la clé de la chose, là. Dieu appelle à une offrande volontaire. Puis quand on entend offrande volontaire, on a tendance à penser, puis malheureusement, je vais l'adresser là, tout de suite après, là, mon premier point, c'est l'offrande volontaire, puis on va parler d'argent. Okay? Mais je ne veux pas parler de l'argent parce que je veux parler d'argent. Je veux mettre le focus sur le volontaire. Dieu appelle à une offrande volontaire pour le service, c'est-à-dire de bon cœur. Un cœur bien disposé, c'est ça que Dieu veut voir. Le reste, là, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu de Dieu? Alors, aucune prétention à donner... Quand même, ce serait une seule personne qui a donné tout l'or, l'argent et le rein qu'il y a là, zéro valeur. S'il n'a pas donné de bon cœur, zéro valeur. Encore pire, on vient de dire 600 quelques mille hommes, là, j'ai oublié le chiffre. Là. Merci. C'est pas tous eux autres qui ont contribué. Ceux qui avaient le cœur bien disposé ont apporté. Mais ceux qui avaient le cœur bien disposé ont apporté plus que ce qui était demandé. OK? Fait que le reste, là, ça va être retourné au donateur, ou ça va servir à d'autres choses. Mais Dieu n'a rien enlevé à personne. Okay? Ce que Dieu veut, c'est habiter parmi son peuple. Puis il veut habiter parmi son peuple parce qu'il veut que son peuple soit heureux. Il veut que son peuple soit béni. Dieu veut être au centre de tout ce que son peuple dans l'Ancien Testament, puis nous dans le Nouveau Testament, on soit bénis ensemble du fait qu'il habite parmi nous. Ben ça, pour ça, il faut qu'on le voit, hein? Puis pourquoi on le voit? Il faut qu'on crée le sanctuaire. Puis le sanctuaire, là, il n'est pas fait de main d'homme. Il est fait de cœur bien disposé. Ça va? Alors, dans la construction du tabernacle, juste pour vous aider à calculer, un talent, ça vaut 60 mines. Quand vous avez la parabole des 5 mines, 3 mines, et 60, chaque mine, une mine, c'est un statère. Fait que si tu dis mine ou tu dis statère, tu dis la même chose. Un talent, ça vaut 3000 cycles. Fait que quand vous lisez qu'il y avait, mettons, 2400 cycles, ben, c'est 2400 sur 3000 cycles. Donc, c'est une fraction de un talent. OK. Puis, un talent, c'est pas assez précis, mais on va dire, là, pour les calculs, là, c'est autour de 40 et 50 kilogrammes par talent. On va arrondir ça là, à 100 livres. Okay? Fait que ceux qui sont comme moi dans le vieux système anglais, 100 livres, c'est beau, deux poches de patates, deux grosses poches de patates, là, ça c'est 100 livres. Bon, fait que 45 kg et un peu de misère à le visualiser. D'accord? Ben, les gens, nous autres, ils voient ça de même, là, mais moi, il faut que je fasse des transferts. Bon, L'or, il y en avait 29 talents 736. Ça vaut à peu près 1011. À 2350$ l'once, ça veut dire qu'il y en avait aujourd'hui, en valeur monétaire d'aujourd'hui, pour 2 350 000 en or. Ils n'ont pas lésiné. En argent, 100 talents, hein, qui équivaut à peu près à 3 500 onces, mais le prix de l'argent, là, un talent d'argent, c'est à peu près 32$ de l'once. Elle vient de passer de 2000 quelque chose à 34$ de l'once. 35$, je pense que c'est la valeur d'hier quand j'ai checké. L'airain, 70 talents, 2400, ça vaut à peu près 2511, ça vaut à peu près 7000$. Fait que l'or était utilisé où? Dans le lieu très saint. L'argent est utilisé où? Le lieu saint. Puis la tête des colonnes, si je ne me trompe pas. Et l'airain est utilisé où? À l'extérieur. Tous les ustensiles, toutes les cuves, les poteaux, les affaires de même où il y avait d'autres choses, c'était l'airain qui était utilisé. Le bois d'acacia. Bon, pour avoir du bois d'acacia, là, on a regardé ça vendredi, là, ça prend de la belle planche, là, parce que c'est de la planche. Là. Ça prend un méga arbre pour te le donner. Puis ça veut dire que cet arbre-là, il y a de l'âge. Ils sont où, eux autres? Ils sont dans le désert. Il va falloir qu'ils le trouvent, le bois d'acacia. Les peaux de dauphin, j'avais mentionné que possiblement c'était un autre animal qui ressemble au dauphin, qui vit dans la mer Rouge, qui a la peau épaisse, etc. Samuel avait amené une autre possibilité. Mais c'est quand même, il faut l'avoir, OK? Puis il y en avait en certaine quantité. Le fil retard de fin lin ou l'autre fil qu'il fabriquait, bien, le fil, les autres fils, ils venaient du poil de chèvre. Oui, c'est ça. Puis là, on faisait avec ça du fil. Bon, si j'avais jamais visité une usine de textile, là, c'est long. OK? C'est long à faire du fil. Puis ça prend vraiment de la patience puis du zèle. Parce que faire un fil, là, ceux qui vous avez déjà vu des films avec des rouets, là, la madame qui fait son fil sur son rouet, là, ça ressemble, quand elle a fini, à de la corde brune qu'on achète pas cher là, chez Rona ou chez BMR, tu sais, de la corde effilochée, là, ça ressemble à ça. Bien, ça, tu fais pas du beau tissu avec ça. Il faut que tu le raffines, il faut que tu le travailles. Puis en plus, si tu fais le retard, ça veut dire que c'est 3 brins. Fait qu'après, je l'ai. Puis après, là, il faut que je le rase. C'est l'ouvrage. Est-ce que vous me suivez? Et après ça, il y avait le tissage. Parce qu'un coup, tu as ton fil, il faut que tu tisses. Il y en avait long à tisser, là. Je ne sais pas si vous savez, mais ça prend du temps. Là. Ma soeur, elle a 3 métiers à tisser chez elle. Juste une longueur, là, elle en a pour une couple de mois. Toute seule. OK? Fait que. Parce qu'elle fait d'autres choses dans la vie, hein? Bon. Puis après ça, il faut le teindre. Puis il faut avoir les bonnes couleurs. Puis après ça, il y a du brodage. Ça prend des gens qui vont broder. OK? Fait que. En matériel. Vous voyez que, peu importe la valeur du métal, il y a quand même une bonne quantité de métal. Okay? Fait que, quand tu dis 29 talents, c'est 29 fois 100 livres. C'est pesant. Hein? L'autre, c'est 100 fois 100 livres. C'est pesant. OK, ça va? Faut le gérer, là. Faut pas juste avoir les matériaux, faut le faire. Fait que, donc, il y a de l'argent. En termes de personnes... on estime que ça a pris à peu près 6 mois à faire le travail. 6 mois, il y avait une journée de congé par semaine. Tu sais, les vacances de fin de semaine, là, comme on a, nous, ici, là, puis 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, 5 semaines de vacances, 8 semaines de vacances, là, ça n'existait pas, là, dans le temps. J'allais visiter une mine de cuivre à Capleton avec Nathalie. Les gars, ils travaillaient 6 jours semaine, 12 heures par jour, dans un trou sombre. À 30 ans, ils étaient morts. Okay. Mais leur famille était bénie, mais eux autres étaient morts. Bon, ici, ils ne travaillaient pas dans des grottes. Là. Fait qu'imaginez ça, 6 jours semaine à 8 heures à peu près par jour, ça fait 1250 heures par personne. Ça, c'est dédié à l'œuvre que Dieu leur a donné de faire. Fait que c'est pas juste l'argent, l'or, les reins, c'est du travail. Là. Combien de personnes? Certains sont maîtres d'œuvre. Moïse, qui est le superviseur, qui est le vérificateur. Hein? Itamar et les Lévites sont là pour superviser les travaux. Betsaléel et Oliab font les travaux. C'est comme le directeur de production, on va dire, puis l'autre, c'est le directeur qualité. Fait que Itamar et les Lévites viennent aider autour. Je sais pas, ils ramassent les rebuts, ils empilent les matériaux finis, je sais pas quoi. Ils gèrent autour de la fabrication. Il y en a qui fournissent les matériaux, qui vont pas travailler, mais ils fournissent les matériaux. Il y en a qui travaillent le bois, il y en a qui travaillent l'or, l'argent, l'airain. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Je sais pas. Est-ce que c'est la même habileté de travailler de l'airain que de travailler de l'or? Je sais pas. Certains filent les poils, tissent les étoffes, certains teignent, certains s'occupent de la logistique, certains préparent les repas, s'occupent des enfants, du bétail, parce qu'il y avait du bétail, eux autres, là, il faut qu'ils s'en occupent. Il faut les amener boire, au minimum. Je sais pas, on les nourrit de comment, peut-être la manne, je sais pas. Puis la sécurité du camp, parce qu'ils pouvaient être attaqués par différentes, par d'autres nations. En fait, il va y avoir des guerres pendant qu'ils vont être là, puis peut-être par d'autres choses. OK, juste imaginez, là. Y a-tu l'ouvrage ici? C'est juste Moïse qui le fait? C'est juste les Lévites qui le font? Tout le monde, ceux qui ont le cœur bien disposé, mettent la main à la pâte. Si je m'en vais vers les richesses collectives, parce que ici, là, quand on regarde ça, c'est les richesses collectives, puis c'est une œuvre collective. OK? C'est pas le travail d'une personne. C'est ce que Dieu demande à son peuple. Fait que, il y a beaucoup d'argent investi, beaucoup d'or, argent, airain, beaucoup de richesses qui sont données, puis beaucoup de temps et d'énergie qui sont donnés à faire ce que Dieu demande. Puis à la fin, chapitre 40, tout est parfait, comme Dieu l'a demandé. Okay? Alors, en ce qui concerne les richesses collectives, je ne veux pas aller lire tous les versets, là, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez avoir le document, là, il est sur le blog, cherchez le mot. Mais si je les résume, là, tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que les autres ont que vous n'avez pas, tout ce qui est caché sous la terre, tous les trésors avec les cartes des pirates, là, tout ça, là, ça appartient à Dieu. Il n'y a rien de ce que j'ai, que vous avez, que nous avons ensemble qui nous appartient. Ça appartient à Dieu et il va en disposer comme il veut. En fait, dans Ecclésiaste, j'ai oublié le passage, il dit dans Ecclésiaste qu'il va prendre aux riches de ce monde pour donner aux pauvres. Il avertit les riches de ce monde que tout ce que vous amassez, vous n'avez aucune idée qui va faire quoi avec après votre départ. Si vous avez travaillé dans des projets, moi, dans ma carrière, j'en ai fait des affaires, là. Quand je regarde en arrière, là, il n'y a pas grand-chose qui a subsisté dans ce que j'ai pu faire de mes mains ou avec du monde. C'est tout parti. Ça n'existe même plus. La compagnie n'existe plus, le département n'existe plus, les personnes sont parties faire d'autres choses. La chose qui était « waouh » il y a 10 ans, hey, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, là. Hey, mon premier téléphone portable, je m'en rappelle, Mili 94 pour ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y en a ici. Hein? C'est un gros téléphone, avec une grosse antenne. Hey, c'est une grosse affaire. Hey, c'est portable au moins, je peux me déplacer. Il n'y a pas de bottin téléphonique là-dedans, là. Il n'y a rien, hein. C'est une grosse patente. Bon, aujourd'hui, là, avec les téléphones supposément intelligents, là, avec ces téléphones-là, écoute, si vous imaginez ce qu'on peut faire, mais ce qu'on avait autrefois, là, c'est même plus bon. Une table tournante, il y en a encore qui essaient de la faire survivre. Les lecteurs de CD, on a de la misère à en trouver. Hein? Les ordinateurs qu'on avait il y a 4 ans sont désuets aujourd'hui. Tout est... Ça va? OK, fait que tout ce qu'on a appartient à Dieu, puis il va faire ce qu'il veut, particulièrement nos richesses. Particulièrement tout ce qui nous sécurise, tout ce qui nous rend confortable. Ça appartient tout à Dieu. Il peut prendre ça quand il veut. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on n'est pas conscient de ça. Hier, on parlait, la jeune dame qui était là, elle a été passée 2 mois à Madagascar et elle a vu là-bas, là, c'est la pauvreté, elle a vu là-bas là, comment les gens étaient proches du Seigneur à cause qu'ils n'ont rien. Parce que toute leur joie dépend de comprendre qui est Dieu puis comment Dieu agit parce qu'ils n'ont rien. Et elle revient chez elle, puis là, c'est quand t'as envie de vomir, là, tu sais. Mais il faut que tu l'aies vu. Bon, je sais pas toi, Jacques, Réjeanne, quand vous étiez jeune, je ne sais pas comment c'était chez vous, nous autres, on était 8 enfants, puis on n'était pas riches. Alors, savez-vous quoi? On ne savait pas qu'on n'était pas riches. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois qu'on n'était pas riches. Mais mes parents ne nous ont jamais fait sentir qu'on n'était pas riches. Mais on n'était pas riches. Tu sais, la salade, là, il y en avait une sorte. sur la table. La iceberg. J'ai découvert le nom iceberg quand mes filles m'ont dit à un moment donné, ça s'appelle l'iceberg. Hein? C'est l'iceberg. C'est pour moi, c'est de la salade, le reste, c'est de la mauvaise herbe. Hein? Mais aujourd'hui, là, c'est la diversité. Là. Tu rentres à l'épicerie, là, tu dis, man, je vais choisir quoi là-dedans, moi? Elle m'a dit qu'elle voulait l'animer en bas faire l'épicerie, va chercher de la salade. Boy, t'as regardé ça, laquelle elle veut, tu sais, de la romaine. OK, là, faut que tu fouilles de la romaine. C'est quoi de la romaine? C'est là, moi, c'est tout ce que je sais, c'est en boule de même, là, tu sais, là, non, c'est fait autrement. OK, je veux dire, tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne comprend même pas, là, quand on ne comprend pas, le citoyen moyen de l'Occident ne comprend pas c'est quoi la misère. S'il vous plaît, n'utilisez pas ce mot-là. Moi, à chaque fois, je le dis, ça résonne mal dans mes oreilles, je le rechange après pour difficulté. Parce que la misère, on ne connaît pas ça. Mais ce qu'on a, là, on peut le perdre n'importe quand. Puis les plus malheureux, là, c'est ceux qui ont toute l'abondance puis qui n'ont jamais connu la misère, que quand ils vont le perdre, là, ils ne sauront pas quoi faire. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui ont connu la misère. Ou ceux qui ne se sont pas attachés à leur bien matériel, qui l'ont, ils vont le gérer, mais ça est absolument conscient que ça ne t'appartient pas puis que Dieu peut le réclamer quand il veut. Fait que vu qu'on est juste des gestionnaires d'eux, ben, c'est quoi notre problème avec le rendre disponible pour le corps de Christ? C'est ça. Ésaïe dit, Dieu a le contrôle sur tout, puis sa façon de voir les choses ne dépend pas de la nôtre. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut m'amener où il veut. Il peut changer mes circonstances quand il veut. Il ne me demandera pas la permission. Il nous avertit, mais on a tendance à ne pas écouter les avertissements. Ça va arriver, là, tu vas dire, ah, j'aurais donc dû écouter les avertissements. Mais Dieu, il a le contrôle. Dieu contrôle même le cœur de l'homme, puis même la destinée des nations. Je pense que c'est le psaume 33. Si vous allez le lire, là, il part, psaume 33, là, de tout l'univers. Il descend à la terre, les nations, le cavalier sur son cheval, puis le cœur de l'homme. Il n'y a rien qui lui échappe. L'Éternel est le roi de toute la terre. Alors, on est encouragé dans le Nouveau Testament que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. OK? C'est la même affaire. Dieu, et ici, là, je répète, on a tendance à penser que quand on dit donner ici, on parle d'argent. On ne parle pas juste de l'argent, là. Donner tout ce que j'ai, mon temps, mon argent, les biens que Dieu m'a confiés, que je gère pour lui, mes talents, tout, ma pensée, être à l'écoute des autres pour vraiment faire l'effort là, de comprendre ce que l'autre peut avoir de besoin. C'est ça que Dieu aime, okay? Que chacun donne tout ce qu'il a, temps, argent, intelligence, dons, disponibilité, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Personne ne peut exiger de personne quoi que ce soit. Des fois, on est déçu des autres. Ben, on n'a pas le droit. Dieu est souverain. Il va faire ce qu'il veut, quand il veut. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que les autres vont dire oui, mais je ne vais pas manquer ce que j'ai de besoin pour faire ce que Dieu m'a demandé. Il va pouvoir. Il faut juste que je sois patient. C'est bon? Alors, quand il dit « donne » ici, dans l'Ancien Testament, là, après la construction du temple, là, il va y avoir Lévitique, Nombre. Là, il va sortir un paquet de lois et concernant les dîmes, entre autres. Fait qu'il y a des offrandes volontaires, puis il y a des offrandes obligatoires. Dans les offrandes obligatoires, il y avait la dîme des Lévites, qui était 10 % de tout ce que tu récoltes. Tu le donnes aux Lévites. Bon, nous, on paye des impôts, hein, vous savez ça, là, ceux qui travaillent? Bon, ceux qui commencent à travailler, là, puis qui travaillent, on va dire, pas en dessous de la table, là, mais tu sais, quand tu gardes ou tu fais des affaires pour les voisins, là, tu reçois de l'argent. Mais quand tu vas travailler pour une compagnie qui est légitime, tu vas recevoir un petit bout de papier à la fin de l'année qui a dit, tu as gagné tant, puis là, il faut que tu le déclares au gouvernement. Puis si tu restes à la maison, puis c'est maman qui fait le rapport d'impôt ou papa, tu es obligé de le déclarer, on va payer de l'impôt sur ce que tu as gagné. Okay? L'impôt, c'est la dîme. Dans le gouvernement, on paye de l'impôt. Mais ça vise la même chose. Hein? La dîme des Lévites, c'est ceux qui s'occupent du sacerdoce, de l'aspect religieux. Fait que eux sont concentrés là-dessus. Fait que pour survenir à leurs besoins, tu dois donner 10 % de toutes tes récoltes. La dîme des festivités, ça permettait de faire des fêtes. Fait qu'il fallait que tu emmènes quelque chose à la fête. C'est un autre 10 %. La dîme des pauvres, il fallait que tu donnes 3 % de ce que tu ramasses pour distribuer. Tu n'allais pas le porter à un centre d'entraide, là. Dans tes affaires, tu avais de côté, tu pouvais aider les pauvres à côté de toi, les veuves, les pauvres. C'est, on retourne à ce qu'on disait ce matin, là, acte 6, là, qu'il fallait prendre soin des veuves, des hellénistes, là, ben, c'est exactement ça. Okay? Après ça, tu avais les offrandes libres. Offrande libre, c'est purement volontaire et personnel. Dans le sens que Dieu ne te l'a pas demandé. Hein? Le montant de l'offrande demeurait une question personnelle entre Dieu et chacun de nous. Aucun montant, aucune fréquence, c'est de bon cœur. Tu vois quelqu'un a besoin d'aide. Tu vois comme la veuve qui va devant le temple et qui met 2 pièces, 2 sous là, dans le, et elle a donné tout ce qu'elle avait. Fait que c'est pas le montant, c'est le cœur. Okay? Motivé seulement par la gratitude et l'amour des croyants envers Dieu. Puis j'ajouterai ici, envers le peuple de Dieu. Il y avait aussi l'offrande des prémices. Ça, c'était donné à Dieu dans des temps particuliers, puis c'était amené au temple. C'était pas pour le peuple, c'était pour amener à Dieu. Okay, mais juste pour dire, il y avait des offrandes obligatoires, puis des offrandes volontaires. Mais l'emphase est mise sur l'attitude de la personne. On leur demandait simplement d'obéir avec l'élan de leur cœur. Il n'y avait pas de pancarte, avez-vous payé votre dîme? Il n'y avait pas de collecteur de dîme, personne qui pouvait aller faire la collecte. Il fallait que chacun apporte sa part. Personne ne va aller vérifier dans ton champ si tu as donné exactement 10 épis de maïs sur 100. Là, non, on ne courait pas après le fautif. C'est Dieu qui le faisait. Ceux qui honoraient Dieu étaient bénis, ceux qui n'honoraient pas Dieu n'étaient pas bénis. C'est Dieu qui s'en occupait. Est-ce que ce n'est pas la même chose dans le Nouveau Testament pour nous? À l'époque, en plus, quand on n'arrive pas à l'époque dans le désert, mais quand on arrive du temps de Jésus, là, les Juifs étaient sous 2 lois. Il y avait la loi de Moïse, il fallait qu'ils fassent ça pareil. Puis il y avait la loi des Romains, il fallait qu'ils donnent. Il fallait qu'ils payent l'impôt aux Romains. Eux autres, là, étaient doublement taxés. Okay? Quand Jésus leur dit de payer leur dîme, là, de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, puis donner à César ce qui appartient à César, c'est carrément ça qu'il dit. Vous avez des obligations envers le peuple de Dieu, envers la maison de Dieu, puis vous avez des obligations envers les Romains. Puis si vous avez un problème avec les Romains, là, lisez Romains chapitre 13, c'est Dieu qui a instauré toutes les autorités, c'est Dieu qui a fait en sorte que les Romains soient là, que ce soit un fardeau pour le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël a le cou raide, puis Dieu veut leur montrer qu'ils ont le cou raide, puis il veut leur montrer sa grâce. Okay? Fait que, donc, des fois, on a de la misère avec nos circonstances. On va-tu m'en sortir un jour? Bien, où tu regardes? Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que Dieu ne veut pas qu'on donne par contrainte. Laissez faire. Si vous voulez le faire pour impressionner la galerie, faites-le pas. N'impressionnez pas Dieu. Si vous voulez le faire, ce que Dieu vous a mis à cœur, puis vous faites ce que Dieu vous a mis à cœur, votre conscience est pure devant Dieu. Peu importe c'est quoi. Ça va? Il veut qu'on donne avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire, donner avec joie? Bien, premièrement, il faut savoir que donner, ça vient qu'une promesse. Je ne vais pas tous les lire, là, mais les versets sont là pour ceux qui veulent aller les lire. Mais Dieu, il dit, « Donner vous sera donné. Okay? On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Dieu dit, « Je vois qui tu es, je vois ce que tu fais et je vais honorer mes enfants dans ce qu'ils font. » Ça ne veut pas dire, là, c'est pas l'évangile de prospérité, là, ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche, mais tu ne manqueras pas de rien. C'est ça l'affaire. Donner, c'est supposé être un sacrifice. La veuve qui va mettre ses 2 sous, c'est tout ce qu'elle a. Toi, tu as 1 million de dollars et tu mets 100 piastres. Ça te dérange-tu vraiment, là, 100 piastres? Bon, tu as 1 million de dollars, tu donnes 2000 piastres. Ça te dérange-tu vraiment, 2000 piastres? C'est quand est-ce que ça commence à faire mal? C'est là que ça a de la valeur. Donner n'a rien à voir avec l'importance de ce qu'on a. Ça va vraiment... Et tout ce que j'ai en train de dire, là, c'est il y a les versets à l'appui. Fait que je veux juste que vous saisissiez là, ici le message de le faire avec joie. L'importance du don, c'est une affaire personnelle. On parle d'argent, hein? C'est ça qui vient à l'esprit tout le temps. Là. Non, c'est aussi être à l'écoute des autres. Prendre du temps pour aider dans l'Église, aider l'Église, aider des frères, des sœurs. C'est quoi aider des frères, des sœurs? Quelqu'un tout seul, est-ce que tu vas le voir de temps en temps, il ou elle? Il y en a qui le font, là. Aller visiter les autres. Bon, peut-être que tu le fais parce que tu veux aller jaser puis raconter tes affaires, mais moi, je pense pas que c'est ça. C'est tu y vas parce que tu as à cœur l'autre personne puis tu veux lui donner de l'importance dans le sens que tu viens, tu rencontres, tu passes du temps avec la personne. Écoute, elle a des choses intéressantes à dire. La personne a des choses, elle vit des choses, puis on peut partager ensemble dans la parole de Dieu puis s'édifier les uns les autres. OK? Pourquoi tu le fais? Donner, c'est une démonstration d'amour. C'est pas une obligation. Si tu as à cœur de donner, tu te prépares. Mettons, tu dis, moi, j'ai jamais mis d'argent de côté pour l'Église, OK? Fait que je ne sais pas combien, bien, OK? Réfléchis. Ou j'ai pas le temps, moi, mais du temps pour l'Église. Okay? Je suis débordé, moi, là, je fais plein d'affaires. Oui, OK, c'est beau. Mais tu sais, quand on va se présenter devant le tribunal de Christ, là, il va y avoir des beaux feux de camp, là, je vous le dis, moi. La paille, là, puis toutes les affaires qui ne servent à rien là, dans l'œuvre de Dieu, là, ça brûle tout, ça disparaît, ça. Qu'est-ce qui va rester? C'est ce qu'on a fait dans le corps de Christ, pour l'œuvre de Christ. Bon, fait que, ben là, je ne sais pas comment, ben commence quelque chose, essaye quelque chose. Va voir quelqu'un que tu peux aider, pose des questions, investis-toi. Mets du temps dans ton agenda. Dis à ton boss que telle journée, là, tu ne travailles pas. Le dimanche matin, là, tu veux être avec l'assemblée. Tu dis à tes amis, « Ouais, c'est le fun, les parties, ci et ça, là, mais tel soir, là, j'étais avec mon groupe, je fais telle affaire. » C'est intéressant parce qu'il y en a qui disent, « Ah, ben voyons, c'est bien bizarre, tu es obligé de faire ça? » Non, je ne suis pas obligé, c'est pas, j'aime ça. J'aime ça être avec mes frères, mes sœurs, puis on apprend plein de choses. « Ah oui, mais c'est quoi ton groupe? » Là, tu sais, des fois, ça suscite des questions, puis... Ben, des fois, les amis viennent, hein, Jerry? Les amis viennent à la jeunesse, les amis viennent aux jeunes adultes. Hein, Anna rencontre quelqu'un, son ami vient. Pourquoi? Parce que eux, ils aiment ça. Fait qu'ils en parlent, ils aiment ça. Puis là, tu trouves ça bizarre quand t'aimes ça, là, c'est parce que c'est pas normal, là, tu sais. Mais t'aimes ça pareil, puis tu restes de bonne humeur, t'es dans la joie. Ben l'autre, il a envie d'avoir ta joie, là. Fait que, bien qu'il trouve étrange ce que tu fais, il a quand même envie d'avoir ta joie, peut-être. Fait qu'il vient voir. Peut-être qu'il restera pas, mais peut-être qu'il va coller. Ben c'est Dieu qui dirige les cœurs. Ça va? Puis Dieu promet que quand on travaille dans son œuvre, qu'il va nous bénir, pas nécessairement matériel, mais il nous donne une paix que le reste du monde ne peut pas comprendre. Puis ça vient de toutes les façons. Je veux passer à... Ça, c'est les matériels, hein? Mais l'œuvre collective, Éphésiens 4, j'aime bien le lire souvent, 11 à 16, dans bien des cours qu'on va faire, je le ramène de 11 à 16, mais juste là, la dernière partie. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, Christ, l'Esprit-Saint, que tout le corps, ça c'est nous, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'était-tu différent pour le peuple d'Israël? Non, regardez. Certains sont maîtres d'œuvre. Moïse, c'est lui qui valide le travail. Itamar et les Lévites supervisent. Ils sont là pour aider, pas pour donner des ordres. Ils supervisent, ils regardent, ils coordonnent, ils s'assurent que tout le monde a ce qu'il a de besoin, il manque à rien, etc. Bethsaleel et Oliam, c'est eux les experts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail? Non. Ils enseignent, ils coachent les autres à faire le travail manuel. Puis, les gens mettent la main à la pâte. Il y en a qui fournissent les matériaux. Les Lévites font quoi? Les matériaux arrivent, il faut les corder. Est-ce que vous avez vu sur le bord de la voie ferrée, t'as pu, où là? Et là, juste là, il y a un gros tas de billots de bois, là. C'est quoi, ça? Des dormants. Merci, Christian. Des dormants, mais ils sont là pourquoi? Ils vont remplacer les anciens par les nouveaux. Fait qu'il y a quelqu'un qui est venu porter les billots. C'est eux autres qui vont imposer? Non, c'est quelqu'un d'autre qui va imposer. Mais les bios sont là, quand ils vont venir, c'est fait. Est-ce que vous me suivez? Chacun fait ce qu'il a à faire. Si tout le monde fait ce qu'il a à faire quand il est supposé de le faire, tout va bien aller. Puis, en fait, ceux qui ont posé les bios, qui sont venus les porter, pensez-vous qu'ils s'inquiètent de ceux qui vont les installer? Non. Ils savent que c'est les experts. Il emmène les matériaux, les experts vont faire. Quand ça va être fini, là, qui va avoir la gloire? Hein, le dernier qui pose le dernier clou, là? Celui-là qui vient inspecter, puis qui dit, waouh, c'est beau, puis qui va dire à son boss, c'est beau, on a fini, c'est lui qui a la gloire. Qui a la gloire? Fait que tout le monde, mais si on le dit que c'est tout le monde, là, ben, tout le monde est dans la joie du produit fini. Tout le monde se réjouit du produit fini. Mais si j'étais là, moi, puis j'observais, puis j'ai rien fait, puis que je vois le travail fini, est-ce que moi, je suis dans la joie du travail bien fait? Non, je suis juste un observateur qui regarde une œuvre qui a été faite. Wow, c'est intéressant. Wow. Ben moi, j'en retire rien, moi. J'ai pas participé. Est-ce que ça va? Ceux qui avaient à cœur, le cœur bien disposé, là, il y a plein de versets, vous pouvez aller les voir. Mais dans Philippiens, il dit, ce qui compte, pas ce qui l'intéresse, c'est pas les dons qu'ils lui ont faits, c'est pas les choses qu'ils font. C'est le fruit qui abonde pour eux. C'est parce qu'ils grandissent en servant. Ils prennent de l'assurance dans la foi. Paul se réjouit pas de ce qu'il reçoit, il se réjouit de ce qu'eux grandissent. Est-ce qu'on se réjouit de voir les autres grandir dans la foi? Ben, il faudrait que je sois avec eux autres pour le voir, ça. En Malachie 3:10, Dieu dit, par rapport aux dons, par rapport à l'investissement, il leur reproche qu'ils font des sacrifices, mais ils donnent la scrap. Ils donnent le minimum, ils donnent la scrap. C'est pour ça que Dieu a demandé. Il a demandé le premier-né, sans tâche, plein de critères. Ben non, ils les gardent eux autres parce qu'ils font plus d'argent avec ou sont meilleurs pour manger, peu importe. Ils gardent ça puis ils donnent la scrap à Dieu. Mais Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, verrez, voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais mettez-moi à l'épreuve, faites ce que je dis. Arrêtez de critiquer, jaser, argumenter, justifier. Faites ce que je dis, simplement. Romain nous dit, Romain 1, que tout vient de lui, par lui, pour lui. Éphésiens 4, 16, on vient de lui. Ensemble, nous, on forme un solide assemblage. On nous met en garde de où est-ce qui est mon cœur. Parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Fait que si ton cœur n'est pas tourné vers la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, ben ton cœur est ailleurs. C'est pas très compliqué à regarder. Il nous demande d'être reconnaissant. Quand il demande l'argent dans le désert, là, ceux qui ont le cœur bien disposé, c'est parce qu'ils sont reconnaissants d'être sortis d'Égypte. Ils sont reconnaissants que Dieu prenne soin d'eux. Ils sont reconnaissants de ce que Dieu leur promet, parce que où ils s'en vont. Ils sont reconnaissants, ils le font de bon cœur. Ils sont reconnaissants, ils savent qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement. Et 1 Pierre, lui, ça vaut la peine d'aller le lire. J'achève. Oups. 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 23. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est dans le moment présent, pour chacun de nous ici, maintenant, aujourd'hui. OK? Dans le moment présent. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, c'est là où on est, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, l'or, l'argent, les reins, les matériaux, la maison, le travail, hein, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Christ était prédestiné, puis il va venir à cause de nous, chacun de nous. Qui, nous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Tu n'as pas ça le dimanche matin là, de 10h30 à midi, là, c'est pas vrai. Là. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Jusqu'à 23. Hein? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Qu'est-ce qui me motive? Les biens matériels, la gloire temporaire dans ce monde, ou la gloire de Dieu, la joie de participer à l'œuvre de Dieu avec mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qui me motive? Ceux qui n'ont pas participé de bon cœur, ben, ils n'ont rien enlevé à Dieu, hein? Mais ils ne participeront pas à la joie du maître. Puis ceux qui auront cru Dieu, puis qui auront participé à l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour eux, ben, ils vont s'entendre dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Dieu promet de pourvoir à nos besoins, pas qu'on va être riche ou en parfaite santé, mais il promet que on va être bien paisible, si l'Éternel est mon Seigneur. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, ça veut dire qu'on travaille ensemble à la même œuvre, on veut construire quelque chose, on veut construire le corps de Christ ici, l'amour de Christ soit visible, que le monde du dehors, quand il nous regarde, il voit l'amour de Christ. Tire son accroissement, ça veut dire qu'on va grandir ensemble selon la force qui convient à chacun de nous en s'édifiant à nous-mêmes dans l'amour fraternel inconditionnel. Ça, là, c'est tout un travail. Mais c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Eux, là, pendant 6 mois, 6 jours semaine, 8 heures par jour, peut-être plus que ça, ils étaient tous consacrés ensemble à une chose. Nous, là, à quoi on est appelé quelque chose de différent? Bon, on n'est pas ensemble, là, 6 mois de temps, 6 jours semaine, 8 heures par jour, là, physiquement. Mais l'œuvre de Dieu, est-ce qu'elle est dans ma tête 24 heures sur 24, 7 jours semaine, même quand je dors? C'est ça la question. Alors, travaillons à l'œuvre de Dieu ensemble. Amen.